Chapitre 3e, le faux duc. Tout concourait à la réussite du hardi projet de la créole dont José s'était fait le complice. La substitution avait eu lieu avec un succès au-delà de toute espérance. Un seul homme aurait pu la découvrir et la dénoncer, c'était Pedro Diaz. Mais Pedro Diaz était mort, du moins, le bâtard devait le supposer. Don José s'était donc embarqué plein de confiance, et laissant derrière lui les péons qui l'avaient accompagné jusqu'à la Veracruz, bien convaincu qu'il était le vrai duc de Clodion. L'impunité et le succès lui étaient donc assurés. Toutefois, un point l'inquiétait dans le rôle qu'il était appelé à jouer. Le duc de Clodion avait mis en dépôt les titres qui constituaient son immense fortune dans les mains du marquis de Kerdal, et pour entrer en possession de ces titres, il lui fallait nécessairement se rendre auprès du vieux gentilhomme breton et les lui demander. La chose aurait été toute simple si le marquis avait été un dépositaire ordinaire. Mais derrière le marquis se trouvait sa pupille, Fernande de Croix-Marie, la fiancée de Jean de Clodion. Comment s'y prendrait-il pour rompre un projet d'union arrêté depuis longtemps et accepté par les deux familles? Après avoir mûrement réfléchi, il ne vit qu'un seul moyen pour sortir de cette impasse, c'était de se présenter sous un jour tel devant Fernande qu'elle serait la première à revenir sur la parole donnée. Ce plan, on le remarquera, ne manquait pas d'habileté. Il ne lui restait plus qu'à l'exécuter. 8 jours après la réception de la lettre dans laquelle Jean de Clodion annonçait au marquis la mort du duc, Don José se présentait au château de Kerdal. Le chemin de fer avait amené le bâtard à Vannes, et il lui fut facile de se procurer dans cette ville une voiture de louage qui devait le conduire en 2 heures au château du marquis. Les visites dans cette partie de la Bretagne sont choses assez rares, et lorsque les grelots d'une chaise de poste se font entendre, ils ne manquent pas d'éveiller l'attention. Fernande, profitant d'une des dernières belles journées de l'automne, se promenait dans le parc du vieux manoir avec Angèle Maréchal. Devant elle, au milieu d'une allée d'arbres, en partie dépouillée de leur feuillage, la petite Lucienne courait joyeusement après les feuilles que le vent emportait. Tout à coup, un bruit lointain de grelots résonna. Madame de Croix-Marie tressaillit et prêta l'oreille. « Si c'était lui, » dit-elle à Angèle en s'arrêtant. Et sans attendre la réponse que provoquait sa question, elle se dirigea en toute hâte vers le perron. La chaise de poste arrivait à fond de train et le postillon, pour faire honneur à celui qu'il conduisait, remplissait l'air du bruit des claquements de son fouet. Les domestiques, attirés par ce vacarme insolite, étaient accourus. Le marquis lui-même accourait au moment où la chaise de poste s'arrêtait devant la grille du château. Don José, en voyant tout ce monde qui s'avançait à sa rencontre, se sentit pris de cette involontaire émotion qu'éprouve un acteur lorsqu'il voit pour la première fois se lever le rideau qui le sépare du public. Ce fut le marquis de Kerdal qui ouvrit la portière de la chaise. Fernande, un peu en arrière, attendait toute palpitante l'apparition du voyageur. Le bâtard de Clodion, mettant pied à terre, se trouva en face d'un vieillard très vert encore qui lui tendait les bras. « Monsieur le marquis, » fit-il en répondant à cette affectueuse et cordiale étreinte. « Jean, mon cher Jean, » murmura le gentilhomme breton en le serrant contre sa poitrine, « soyez le bienvenu. » José, seulement alors, aperçut Fernande, pâle et émue, qui lui souriait. « Mademoiselle de Croix-Marie, » dit-il en allant timidement à elle. « Cordieux, embrassez-la, mon garçon, » reprit gaiement le marquis. « C'est votre privilège comme cousin, en attendant que vous en ayez le droit quand vous serez son mari. » De pâle qu'elle était, Fernande devint toute pourpre, et elle tendit gracieusement son front au jeune homme. Le bâtard, en voyant cette belle jeune fille qui le prenait pour son fiancé, eut un éblouissement. Jamais il n'avait rêvé un idéal plus complet de grâce et de séduction. « Bienheureux, » pensa-t-il, « celui qui aura l'amour de cette adorable jeune fille. » Presque aussitôt, le souvenir de Carmela se dressa devant lui, et il eut comme un vague regret des liens qui l'enchaînaient à la créole. Les premiers jours de son arrivée au château passaient rapides pour lui comme un songe enchanteur. Chaque heure avait son emploi, ou pour mieux dire, son plaisir. Le matin, le marquis emmenait Don José à la chasse, et si le temps était beau, Fernande les accompagnait. Dans la journée, on faisait de longues promenades au bord de la mer. Le soir, assis devant le feu, dans le grand salon, le brave gentilhomme racontait les légendes poétiques dont son enfance avait été bercée, et lorsqu'il avait achevé ses récits, sa nièce se mettait au piano et chantait, avec un charme infini, quelques vieux airs bretons. Toutefois, un observateur attentif aurait remarqué qu'à mesure que le temps s'écoulait, une double réaction se produisait chez les deux jeunes gens. José, qui dans les premiers jours s'était efforcé de lutter contre le sentiment de vive admiration que lui inspirait Fernande, avait peu à peu renoncé à la lutte et fini par oublier qu'il s'était promis de rompre le mariage arrêté par le duc de Clodion et le marquis de Kerdal. Plus il voyait la fiancée de son frère, plus il découvrait en elle d'irrésistibles séductions, et à présent, c'était volontairement qu'il cherchait à jeter un voile sur le passé pour ne songer qu'au nouvel amour qui remplissait son âme. Mademoiselle de Croix-Marie, au contraire, tout en accueillant la tendresse de José, faisait violence à son cœur. C'était en vain qu'elle voulait se persuader qu'elle l'aimait, une voix intérieure lui disait qu'elle ne l'aimait point. Plus l'époque fixée pour son mariage approchait, plus elle semblait la redouter. En proie à une tristesse profonde, elle passait souvent des heures entières dans sa chambre, il ne sortait que lorsque son oncle venait l'y chercher. De son côté, le bâtard de Clodion était depuis quelque temps préoccupé, presque silencieux, et parfois il s'isolait de tout le monde afin de s'abandonner au courant de ses rêveries. Avait-il deviné le secret de Fernande et son cœur était-il brisé? Ou bien était-ce le remords qui l'agitait? Ce n'était ni l'un ni l'autre. José avait reçu tout récemment une lettre de Carmela. Cette lettre, presque aussi laconique qu'une dépêche télégraphique, était ainsi conçue. « Pedro Diaz n'est pas mort, mais j'aviserai. » Ce contretemps prolongeant mon séjour au Mexique. Le bâtard, au reçu de cette lettre, avait été frappé d'épouvante. Déjà, il voyait le Texien se rendre en France, accourir au château de Kerdal et lui arracher le masque dont il s'était si audacieusement affublé. Puis, la réflexion ayant peu à peu fait place à cette erreur, il comprit, lui qui connaissait si bien sa terrible maîtresse, quel sens il fallait attacher à ce mot « j'aviserai ». Complètement rassuré dès lors à l'endroit de Pedro Diaz, il ressentit une immense joie en songeant que l'arrivée de Carmela en France se trouvait à journée, et il résolut de mettre à profit cette circonstance inattendue pour conclure au plus vite son mariage avec Fernande. Carmela, se dit-il, aime l'argent par-dessus tout, et je ferai facilement une paix avec elle en lui abandonnant une certaine partie de la fortune de mon père. José se trouvait à son insu en parfaite communauté d'idées avec le marquis. Le brave gentilhomme était enchanté de son futur neveu. Intrépide chasseur, bon convive, d'un commerce charmant, Don José lui plaisait sous tous les rapports et lui tardait de le voir marié avec Fernande. Lorsque le bâtard de Clodion lui eut exprimé en termes chaleureux ses désirs à ce sujet, le marquis lui secoua énergiquement la main. « Je me charge de tout arranger, » répondit-il. « Dimanche prochain, vos bons seront annoncés et dans 18 jours, on pendra la crémaillère. Mais comme vous êtes en grand deuil, tout cela se fera entre nous. Nous n'aurons, avec les témoins de rigueur, que 3 ou 4 de mes vieux amis et le curé de Vannes. « C'est merveille !» reprit Don José, tout radieux. « Il y avait encore la question du contrat, » poursuit le marquis de Kerdal, « mais ce sera l'affaire de mon tabellion. J'irai demain faire un tour à la ville et je lui remettrai la note nécessaire pour dresser l'acte. Votre rapport est en espèces sonnantes. J'aurais préféré de bonnes terres, mais ma nièce vous apporte 100 000 francs de rente en immeuble libre de toute hypothèque et cela fera compensation. Inutile de vous dire que Fernande est mon unique héritière, et que de mon chef, elle aura un jour 150 000 francs de rente en bien-fonds, que je vous ferai attendre le plus longtemps possible, » ajouta-t-il en riant. « En échange, je ne vous demande qu'une chose, c'est d'avoir une lignée nombreuse, car les grandes familles de France menacent aujourd'hui de s'éteindre, faute de pratiquer le magnifique conseil de l'écriture, croissez et multipliez. » Le digne gentilhomme breton, après avoir ainsi parlé, prit congé de son futur neveu et se rendit auprès de sa pupille. Au moment où il entrait dans l'appartement de Fernande, celle-ci se disposait à sortir. « Où allais-tu donc ? » lui demanda-t-il. « Je l'ai chez vous, mon oncle, » répondit-elle. « Je désirais vous entretenir de choses sérieuses. »« Ça se trouve bien, mon enfant, » reprit le marquis. « Moi aussi, j'ai causé sérieusement avec toi. Mais, » poursuivit-il en s'installant dans un fauteuil, « apprends-moi d'abord ce que tu avais à me dire. »« Je voulais vous parler de mon mariage, mon bon oncle. » C'est précisément le motif qui m'amène près de toi, ma chère Fernande. Ah ! Fit mademoiselle de Croix-Marie avec un tressaillement. Au point où en sont les choses, continua le marquis de Kerdal, je pense, et en ceci je suis l'interprète des sentiments de ton cousin, que vous devriez vous marier le plus tôt possible. Fernande pâlit, demeura un moment sans voix, puis s'armant de courage. C'est le contraire que j'avais l'intention de vous demander, répliqua-t-elle. Le vieux gentilhomme, en entendant les paroles de Fernande, se leva brusquement. « Qu'est-ce à dire, mon oncle ?» répondit Madame de Croix-Marie. « S'il faut vous l'avouer, cette union me fait peur. »« Peur ? Oui, mon bon oncle. »« Sur mon honneur, c'est à n'y rien comprendre, » dit le marquis. « Avant l'arrivée de ton prétendu, tu m'assourdissais les oreilles à force de me parler de lui et tu passais des heures entières à contempler le méchant petit morceau d'ivoire qui reproduit ses traits. Et aujourd'hui, que nous possédons l'original, un superbe garçon, ma foi. Que signifie ceci, mordieu ? Je veux le savoir. Ce qui se passe en moi, je ne saurais vous l'expliquer. Oui, mon cousin ressemble à son portrait, et cependant... Cependant quoi ? Eh bien, malgré cette ressemblance, il me semble par moments que ce n'est pas lui. Il n'est pas tel que je l'avais rêvé. Oh diable, voilà bien les jeunes filles ! S'écria le digne gentilhomme. Les voilà bien toutes ! Elle nous place, nous autres hommes, avant de nous connaître sur un piédestal si élevé que notre prestige s'évanouit dès que nous devenons une réalité pour elle. Mon Dieu, j'ai tort sans doute, mais c'est plus fort que moi. Ses yeux, quand ils me regardent, ne vont pas jusqu'à mon cœur, et s'ils me parlent, sa voix sonne faux à mon oreille. Enfin, je tremble de ne pas pouvoir l'aimer autant que je l'aurais voulu. Dame, mon enfant, reprit le marquis, c'est réellement, tu ne crois pas trouver le bonheur dans ce mariage ? Il en est temps encore, rien n'est fait. Assurément, cette rupture me causera un grand chagrin, mais plutôt que de te voir malheureuse... Mon oncle, interrompit Fernande, êtes-vous bien certain que mon oncle m'aime aussi vivement qu'il le prétend ? Que veux-tu dire ? Répartit M. de Kerdal. Oh, je l'ai bien observé. Dans les moments même où il paraît le plus heureux, souvent un nuage passe devant ses yeux et les assombrit. Lorsqu'il se promène dans le parc et qu'il se croit seul... Si vous pouviez le voir comme je l'ai vu, sa physionomie est tout autre que celle que nous lui connaissons. Enfin, on dirait qu'il a un secret qui le tourmente, qu'il n'ose pas avouer et que je pense avoir deviné. Et qu'as-tu deviné ? Eh bien, mon oncle, je crois malgré tout ce que mon cousin a pu vous dire, qu'il m'épouse moins par amour que parce qu'il se regarde lié vis-à-vis de moi par la parole du duc de Clodion. Ma chère Fernande, tu es dans une complète erreur. Reprit le marquis, ce n'est pas la pensée de son mariage qui attriste Jean, c'est autre chose. Ainsi que toi, j'ai remarqué ses fréquentes tristesses dans ces derniers temps, et j'ai voulu en avoir le cœur net. J'en connais aujourd'hui la cause, et elle ne fait qu'augmenter ma vive sympathie pour lui. Vraiment ? Dit Mademoiselle de Croix-Marie, et après un silence, elle ajouta : Cette cause, est-ce que je puis la connaître ? Oui et non, mon enfant. C'est une histoire assez difficile à raconter à une jeune fille. Enfin, je gazerai la chose de mon mieux. Je vous écoute, répliqua Fernande, dont ce petit préambule piquait la curiosité. Le marquis de Kerdal apprit brièvement à sa nièce, avec une délicatesse infinie de langage, comme quoi le duc de Clodion avait eu un fils naturel après la mort de la duchesse. Ce fils, que Jean aimait tendrement, était resté au Mexique, et Jean l'y croyait toujours, lorsque tout récemment, il avait reçu une lettre de l'un de ses vieux serviteurs qui lui annonçait que son frère avait disparu tout à coup et que toutes les recherches faites pour le retrouver avaient été infructueuses. « Ma chère enfant, dit en terminant le crédule gentilhomme, voilà la cause des tristesses de ton cousin. Depuis la réception de cette lettre, il est dans une inquiétude mortelle, car il tremble que son pauvre frère, qui l'avait accompagné lors de son départ pour la France jusqu'à mi-chemin de la Veracruz, n'ait péri pendant son retour à la maison paternelle, victime d'un accident ou assassiné par des pirates de prairie. Fernande demeura pensive pendant quelques instants. Une lutte se livrait dans son âme, puis elle leva la tête et tendit la main au marquis. « Mon oncle, fixez à votre convenance le jour de mon mariage. »« Ma fille, ma chère enfant, » répondit le digne breton en l'attirant près de lui, « tu es libre, complètement libre. Réfléchis bien avant d'engager ton avenir. » « Ce que vous venez de m'apprendre me décide, mon oncle, » repartit Mademoiselle de Croix-Marie. « Jean a un noble cœur, il m'aime et je l'aimerai. » Le marquis de Kerdal, qui dans son fort intérieur était ravi de la détermination de sa nièce, mena rondement les choses. Les publications légales eurent lieu et 15 jours après, on faisait la lecture du contrat dans le grand salon du château. Fernande, est-il besoin de le dire, ne prêta qu'une attention fort distraite au règlement de la question d'argent. Mais le notaire de Vannes, maître Hamelin, qui depuis grand nombre d'années était chargé des intérêts du marquis, avait apporté dans la rédaction du contrat la sagesse d'un père de famille et la prévoyance d'un homme de loi. les apports des futurs qui déclaraient se marier sous le régime de la communauté étaient clairement spécifiés et énumérés. Toutefois, Maître Hamelin avait introduit une clause portant que les biens immobiliers de Mademoiselle de Croix-Marie ne pourraient être aliénés sans le consentement de cette dernière. Aucune des parties n'ayant fait d'objection, le contrat fut signé tel qu'il avait été rédigé. Nous ajouterons qu'il donnait quittance au marquis de Kerdal de ses comptes de tutelle. Je ne vous chicanerai pas au sujet de cette clause que vous jugez nécessaire, quoique je n'en saisisse pas bien l'utilité, dit le brave gentilhomme, mais je désire que vous en introduisiez une nouvelle dans le contrat, la voici. Je veux que lorsque ma nièce et mon neveu iront à Paris, ils puissent descendre chez eux, et à cet effet, je leur donne mon petit hôtel des Champs-Élysées. Les donations par contrat de mariage sont licites, répondit Maître Hamelin d'un ton doctoral. Je vais donc mentionner la vôtre, monsieur le marquis. Pendant que le notaire écrivait, les futurs époux remerciaient vivement le brave gentilhomme du magnifique cadeau qu'il venait de leur faire. « Je ne vous demande qu'une chose, mes enfants, » leur répondit-il, « c'est de me réserver la petite chambre que j'ai l'habitude d'occuper pendant mes rares séjours à Paris et de la laisser telle qu'elle est, dans le cas où vous voudriez faire des réparations à votre hôtel. » Le lendemain, le mariage civil et le mariage religieux eurent lieu simultanément. Le soir du même jour, une chaise de poste emmenait les jeunes époux à Vannes, où ils devaient prendre le chemin de fer pour se rendre en Suisse. La nouvelle duchesse, après avoir embrassé affectueusement son oncle, dit à mi-voix à Angèle Maréchal, qui était tout attristée de son départ, « Je laisse ici mon bonheur. Les retrouverai-je à mon retour ?»